door and in, made another banger. On m'a dit t'es un fou, toi t'en as pas l'air. Je voulais les faire mais c'était pas l'heure. Ouais j'ai connu des galères, mais j'ai toujours gardé mes valeurs. Par ici ça a une haine contre les képis. Ils sont bizarres, on s'est équipés. C'est la plus belle de ses copines. Elle se qui paye, elle les fait kiffer. Nous on fait de l'argent, eux qu'est-ce qu'ils font? Pour voir sourire des miens, je fais ce qu'il faut. Donne l'habitude de donner. Une fois donne plus, c'est triste, mais t'es ce qu'ils feront. Si t'es un faux frère, j'ai pas pitié. Je sais que mon caractère est compliqué. Y'a que par derrière qui pourront piquer, mais pourront jamais m'enlever mon identité. Qualité, quantité, qu'amputé. Sale idée, ambulance amputée. Tu gagneras jamais rien sans lutter. On partira jamais sans butin. Mec, tu regardes. L'argent, ça vient, ça part. Y'a pas que ça, mec. Je suis sur un pétard. Je regarde dans l'air. J'allume un trompette, t'as rien, rien à faire, ça galère. Je suis sur un pétard, je regarde en l'air. J'allume un trophée, t'as rien, rien à faire, ça galère. Je m'arrête de sortir dans un sale état. Ça bicrave à l'étage. Y'a le Beretta. Et toi, je prends ta famille en otage. Dans la vie, c'est le courage ou la peur. La merde ou la mère. Dis-moi si t'as une rancœur. C'est la paix ou la guerre. Terre, terre, abonné, faut des reproches. J'ai trop sonné. Pas l'étonner, on sait que ton pote tu l'as donné. Moi dans ma tête c'est la guérilla. On me dit arrête, arrête, moi je fais des milliards. Coupe la plaquette, roule un joint de Ria. Avant, c'était la merde, tu sais. Moi j'ai jamais su c'est. Ils te pètent à deux portes, tu passes à la porte. Ils vont te faire tousser. Malgré mes efforts, maman, je fais des efforts, maman. On frappe pas de son corps, crois-moi. Devant les portes, c'est pas moi. Je suis sur un pétard, je regarde.